Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans l'émission La Voix de la Région. On se retrouve aujourd'hui avec Julien Adam, auteur de La bataille de Castillon, une victoire oubliée. Comment allez-vous, Julien ? Eh ben, bonjour à vous, très heureux d'être ici, eh ben, je vais très bien. Tu peux te présenter rapidement pour qu'on connaisse un peu ton parcours ? Alors au niveau du parcours universitaire, moi je suis juriste, donc j'ai fait 5 ans d'études de droit à la faculté de droit de Nancy, et en parallèle j'ai suivi également des cours d'histoire à la fac de lettres de Nancy également. Depuis tout petit, je suis passionné d'histoire, et depuis j'ai pu écrire un livre portant sur la bataille de Castillon. Donc c'est un petit peu un rêve qui se réalise, pour faire court sur mon parcours. Alors, le livre « La bataille du Castillon », c'est votre premier ouvrage, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment est né, du coup, cet ouvrage? Est-ce que c'est un héritage familial? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Alors, c'est très simple. J'avais toujours dans l'optique d'écrire un livre d'histoire, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre dans un premier temps, fallait contacter les éditeurs, etc. Donc, j'avais un petit peu laissé tomber l'idée, mais j'avais déjà écrit pas mal d'articles historiques sur un site internet, un article sur la bataille de Castillon. Et un beau jour, en étant à Lyon, j'ai participé à une journée qui était consacrée à l'histoire antique. Et en me baladant un petit peu sur les stands des éditeurs, j'ai pu rencontrer un éditeur, on a discuté ensemble, et lui me disait que au niveau des victoires françaises, il n'y avait pas d'ouvrage qui était paru, victoire française pour la guerre de 100 ans. Et il me dit, je cherche quelqu'un qui pourrait écrire sur la bataille de Castillon, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je lui dis oui, bien sûr, j'avais déjà écrit un article il y a quelques années là-dessus. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur des défaites françaises. Je pense notamment à Azincourt, la plus connue en 1415, où l'armée française se prend une raclée par les Anglais, où toute la chevalerie française tombe au champ d'honneur. Et il y a énormément de livres qui ont été parus sur cette défaite, mais quasiment aucun sur des victoires françaises de la guerre de Cent Ans, alors que c'est bien nous qui avons remporté cette guerre. Donc je lui ai dit, pas de problème, je suis prêt à écrire un ouvrage sur cette bataille. J'ai pu publier mon premier ouvrage dont je suis très fier. Alors, en quelque sorte, donc, du coup, c'est un héritage familial issu de vos grands-pères, c'est ça, qui vous ont transmis du goût de l'histoire et des récits militaires. Oui, tout à fait. Alors, les deux d'une manière assez différente. Mon grand-père maternel, lui, avait fait la fin de campagne 1944-1945 en Alsace et en Allemagne. Et ensuite, il avait fait la guerre d'Indochine. Donc, il m'avait pas mal raconté les combats qui s'étaient passés à l'époque. Et il était également féru d'histoire, donc il m'a un peu partagé sa passion, donc Génial. déjà depuis tout petit. L'autre grand-père, c'est un petit peu par inadvertance, parce que à Noël, il m'avait offert un jeu vidéo qui s'appelle Age of Empires 2, qui est un jeu vidéo de stratégie où on dirige une civilisation, on la fait progresser à travers les âges, et ça se passe au Moyen-Âge. Et je me souviens, à l'époque, il y avait plusieurs campagnes. Et il y avait déjà la campagne de Jeanne d'Arc. On devait la suivre, aller voir le dauphin, le faire sacrer, etc. Et on terminait avec la dernière mission qui était à Castillon. Donc du coup, cette histoire, elle me suit jusque maintenant. Alors, quelle source avez-vous utilisé pour reconstituer du coup cette bataille? J'imagine qu'il y a eu des fouilles archéologiques, des témoignages locaux, des archives. C'est un long travail. Alors oui, tout à fait. Alors au niveau des sources, on va dire écrites médiévales, elles ont quasiment déjà toutes été mises sur le devant, notamment avec pas mal de chroniqueurs français qui rapportaient les événements importants qui s'étaient déroulés sous le règne de Charles VII. Donc à ce niveau-là, il y avait pas trop de soucis. Quoique, parce que des historiens ont un petit peu interprété ou surinterprété certaines sources, notamment au niveau des canons qui étaient mis en place, 300 canons lors de la bataille de Castillon, alors que les chroniqueurs évoquent 300 armes de trait, les armes de trait étant des arcs ou des arbalètes, et non pas des canons. Il n'y a pas de source anglaise écrite, enfin des sources indirectes plutôt. On a retrouvé un testament d'un capitaine anglais qui est mort en France après la bataille de Castillon. Ensuite, je me suis également rapproché d'une association qui est basée à Castillon, la bataille, et qui a fait des recherches sur la bataille de Castillon depuis plusieurs années. Donc, je me suis rapproché d'eux, et ils m'ont un petit peu guidé. Ils m'ont également transmis des archives qui sont plutôt régionales et qui sont importantes pour le lieu de la bataille, en fait. Car depuis la fin du 19e siècle, on considère que le champ de bataille a eu lieu à peu près 1,5 km des murs de Castillon. Or, il s'avère que suite aux archives que je mets en avant dans mon livre, ça n'a pas pu se passer là, car le cours d'eau, comment dire, n'était pas à cet endroit-là à l'époque. Et en plus, la portée des canons de l'époque était de quelques centaines de mètres, entre 200 et 400 mètres. pour asséger une ville, et non pas 1,5 km. Donc tout ça, je le détaille dans mon livre, et c'est une découverte que je souhaite mettre en avant pour un petit peu remettre à jour le déroulé de la bataille. Pour ce qui est des sources archéologiques, on a retrouvé des épées dans la Dordogne, donc c'est le fleuve qui coule à côté de Castillon dans les années 70. On n'était pas très sûr de leur datation. On penchait plutôt vers le milieu du Moyen Âge, début Renaissance, mais on savait pas trop. Et il y a une nouveauté qui paraîtra dans la deuxième édition de mon ouvrage, qui devrait pas tarder à paraître, c'est que lors d'une vente aux enchères, on a retrouvé des canons de l'époque qui avaient été également repêchés avec ses épées. Et ces canons sont bel et bien du 15e siècle. Donc finalement, de retrouver des épées, trouver des défauts, vous êtes un peu l'inspecteur gadget de Castillon, vous êtes un couteau suisse, le MacGyver de l'histoire. Oui, parce que moi je me considère comme historien autodidacte. Donc moi l'histoire, je l'ai apprise par moi-même. J'ai également suivi des cours à la fac. On va dire également que la méthodologie que j'ai apprise également en faculté de droit, au niveau juridique, sur la façon de présenter les choses, la façon d'argumenter, la façon de faire des recherches au niveau des sources, que celles-ci soient bien bien carrées, bien maîtrisées. Donc oui, on va dire j'ai utilisé plusieurs cordes à mon arc. Un autre côté, c'est que je pratique également un sport de combat médiéval qui s'appelle le béhour. Donc c'est un sport qui se joue en 5 contre 5 en armure et le but du jeu, c'est de mettre l'adversaire à terre. Ça m'a permis à mon humble niveau de savoir ce que pouvait ressentir un homme d'armes en armure complète, ce qu'il pouvait endurer, ce qu'il pouvait faire. Ça m'a permis également de m'en inspirer pour retranscrire au mieux comment la bataille s'était déroulée, on va dire, du point de vue d'un combattant. Et cette pratique, du coup, cette pratique, est-ce qu'elle est difficile à exercer? Oui, ça s'est pas mal développé. Alors, je ne sais plus au niveau du nombre de licenciés, mais ça doit être entre 400 et 500, quelque chose comme ça. Et il y a des tournois assez régulièrement, il y en a plusieurs, et il y a la Coupe de France qui a lieu tous les ans, et également des compétitions internationales. Un sport à succès? Et donc, votre objectif à vous, c'était justement de vulgariser l'histoire, de la rendre accessible à tous. Donc, ce livre, y a-t-il un illustrateur, une édition, un éditeur? Dites-nous tout. Alors, mon éditeur, oui, c'est Historicon. Donc, il est spécialisé dans l'histoire militaire et également dans les jeux de plateau. Donc, lui, ça fait plus de 20 ans qu'il exerce ce métier. Mon livre fait partie de la collection des batailles oubliées. Donc, une collection où il y a plus d'une cinquantaine d'ouvrages. Et au niveau de l'illustration, c'est l'illustrateur de l'éditeur qui s'appelle Florent Vincent. C'est lui qui a pu dessiner la couverture. Donc c'est également un dessinateur qui est spécialisé dans les dessins historiques, l'histoire militaire. Donc au niveau de la couverture, le soldat qui est présent sur la couverture est fidèle à ce qui pouvait être porté à l'époque, au niveau de l'armure et du casque notamment et des armes. Ça a été un succès assez impressionnant, votre ouvrage, parce que ça met en avant, du coup, les victoires françaises, l'une des victoires françaises, parce qu'on a tendance à, comme vous l'avez dit, et très bien dit, dévaloriser la France sous ses défaites. On va dire que ça fait depuis longtemps que ça me marque et que j'ai envie un petit peu de rééquilibrer la balance. Donc je m'en suis fait un petit peu une quête, on va dire. C'est un petit peu rétablir la vérité sur cette guerre de 100 ans où la France, certes, Bien n'a sûr. pas brillé sur certaines défaites, mais elle a pu avoir aussi également des victoires éclatantes qui sont quand même là, qui sont quand même nombreuses. Et à la fin, c'est la France qui remporte la guerre de 100 ans tout simplement, quoi. La France a remporté la guerre de 100 ans et c'est une des belles victoires de notre histoire, en fait, finalement. Oui. Est-ce que vous avez prévu une deuxième édition du livre, un apport Alors nouveau? oui, la première édition est quasiment épuisée et la deuxième édition devrait sortir à la fin de l'année. Et effectivement, je vous ai parlé d'un canon qui a été retrouvé, il sera présenté dans le deuxième ouvrage, surtout que c'est une superbe pièce qui est très bien conservée. Donc il y aura des photos également sur cette pièce. Il y a également un historien qui est spécialiste de l'Aquitaine avec qui j'ai pris contact et qui m'a également transmis une source qui est importante pour la bataille de Castillon. Et il y a également pas mal de petites choses qui ont été rajoutées par rapport à la première édition. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Et comment on peut, du coup, justement, découvrir, du coup, comme vous le dites, votre livre Esfirine? Comment est-ce que, si jamais, parce qu'il vous reste des stocks pour la première édition, si on veut acheter votre livre, comment on peut faire? Alors, premièrement, vous avez le site de l'éditeur, donc c'est Historicon, donc tout attaché, donc Historicon, comme one en anglais, .com. Donc ça, c'est la première chose, et vous pouvez également, si vous souhaitez, l'acquérir sur Amazon. Il est présent également. D'accord, donc sur Amazon et Historicon, on peut commander et on en saura plus sur la guerre de 100 ans. Tout à fait. Et après Cassian, donc vous nous avez confié écrire un autre ouvrage, c'est ça, plus sur le côté antique, donc grec, notamment Sparte. Ce sera également un livre, mais là, qui sera un petit peu plus autoproduit, sur les idées reçues sur la cité de Sparte. C'est un peu une cité qui a fait preuve de préjugés, notamment avec, bon, je pense au film 300, qui est sorti il y a une dizaine d'années, un peu plus, où il y a certains clichés qui sont mis en avant, qui reviennent un petit peu dans l'inconscient, on va dire, collectif. Donc, j'ai envie de mettre ça en avant et de clarifier un petit peu tout ça, quoi. D'un autre côté, mon éditeur m'a également vient de me solliciter pour rédiger un autre ouvrage sur la guerre de 100 ans. Comme on dit, dicton, auteur un jour, auteur toujours. Hein. Vous avez Oui. fait un bel ouvrage sur la guerre de 100 ans. Vous serez amené à être sollicité un peu partout pour écrire et vulgariser l'histoire finalement de notre nation. Rechercher, clarifier l'histoire pour retracer et informer la population sur tout ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. C'est une passion, c'est quelque chose qui me guide depuis toujours. Et là, je suis très heureux de pouvoir partager ma passion au public. Ça m'est un peu tombé dessus, cet ouvrage. Voilà, c'est le hasard des rencontres. Et puis, parfois, c'est peut-être également un petit peu le destin. Donc, je suis très heureux là-dessus. Et donc, oui, une fois que j'ai rédigé mon premier ouvrage, la seule chose que je voulais faire après, c'est en rédiger un deuxième. Et puis après, il y aura toute une suite. Je n'en doute pas. Un dernier mot, des conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'histoire, non? De manière autodidacte ou même écrire. Un dernier mot pour conclure. Bah écoutez, la vie est courte, donc si vous avez une passion pour l'histoire, lancez-vous. Parfois, vous aurez peut-être une sorte de syndrome de l'imposteur, comme on dit. Pourquoi est-ce que j'écrirai sur l'histoire? Voilà, j'ai pas forcément les diplômes, je sais pas forcément écrire, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. De toute façon, ça, c'est des petites voix qu'il ne faut pas écouter. Ce qu'il faut écouter absolument, c'est votre passion. Et puis, de toute façon, il faut se lancer. Et après, vous verrez, le chemin est beau. Vous aurez plein de bonnes surprises. Donc après, vous verrez le chemin et vous, c'est très très bien dit. J'adore cette petite citation de fin. Une très belle continuation, une très belle suite pour vos ouvrages et des beaux projets pour la suite et en espérant vous revoir. Eh bien oui, ce sera avec plaisir pour le prochain.